La cité de Dieu de Saint Augustin. Livre, 22e, Bonheur des saints. Tome 4e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond Cesset. Chapitre 9. Tous les miracles opérés par les martyrs au nom de Jésus-Christ sont autant de témoignages de la foi qu'ils ont eue en Jésus-Christ. À qui ces miracles rendent-ils témoignage, sinon à cette foi qui prêche Jésus-Christ ressuscité et monté au ciel en corps et en âme? Les martyrs eux-mêmes ont été les martyrs, c'est-à-dire les témoins de cette foi. C'est pour elle qu'ils se sont attirés la haine et la persécution du monde, et qu'ils ont vaincu, non en résistant, mais en mourant. C'est pour elle qu'ils sont morts, eux qui peuvent obtenir ces grâces du Seigneur au nom duquel ils sont morts. C'est pour elles qu'ils ont souffert, afin que leur admirable patience fût suivie de ces miracles de puissance, car s'il n'était pas vrai que la résurrection de la chair s'est d'abord manifestée en Jésus-Christ et qu'elle doit s'accomplir dans tous les hommes telle qu'elle a été annoncée par ce Sauveur et prédite par les prophètes, pourquoi les martyrs, égorgés pour cette foi qui prêche la résurrection, ont-ils, quoique morts, un si grand pouvoir? En effet, soit que Dieu fasse lui-même ses miracles, selon ce merveilleux mode d'action qui opère des effets temporels du sein de l'éternité, soit qu'il agisse par ses ministres, et, dans ce dernier cas, soit qu'il emploie le ministère des esprits des martyrs, comme s'ils étaient encore au monde, ou celui des anges, les martyrs y interposant seulement leurs prières, soit enfin qu'il agisse de quelque autre manière incompréhensible aux hommes. Toujours faut-il tomber d'accord que les martyrs rendent témoignage à cette foi qui prêche la résurrection éternelle des corps. Chapitre 10. Combien sont plus dignes d'être honorés les martyrs qui opèrent de tels miracles pour que l'on adore Dieu, que les démons qui ne font certains prodiges que pour se faire eux-mêmes adorer comme des dieux. Nos adversaires diront peut-être que leurs dieux ont fait aussi des miracles. À merveille, pourvu qu'ils en viennent déjà à comparer leurs dieux aux hommes qui sont morts parmi nous. Diront-ils qu'ils ont aussi des dieux tirés du nombre des morts, comme Hercule, Romulus et plusieurs autres qu'ils croient élevés au rang des dieux? Mais nous ne croyons point, nous, que nos martyrs soient des dieux, parce que nous savons que notre Dieu est le leur, et cependant, les miracles que les païens prétendent avoir été faits par les temples de leur Dieu ne sont nullement comparables à ceux qui se font par les tombeaux de nos martyrs. Ou s'il en est quelques-uns qui paraissent du même ordre, nos martyrs ne laissent pas de vaincre leur Dieu, comme Moïse vainquit les mages de Pharaon. Exode 8. En effet, les prodiges opérés par les démons sont inspirés par le même orgueil qui les a portés à vouloir être Dieu. Au lieu que nos martyrs les font, ou plutôt Dieu les fait par eux et à leurs prières, afin d'établir de plus en plus cette foi qui nous fait croire, non que les martyrs sont nos dieux, mais qu'ils n'ont avec nous qu'un même Dieu. Enfin, les païens ont bâti des temples aux divinités de leur choix, leur ont dressé des autels, donné des prêtres et fait des sacrifices, mais nous n'élevons point nos martyrs des temples comme à des dieux, mais des tombeaux comme à des morts dont les esprits sont vivants devant Dieu. Nous ne dressons point d'autel pour leur offrir des sacrifices, mais nous immolons l'hostie à Dieu seul, qui est notre Dieu et le leur. Pendant ce sacrifice, ils sont nommés en leur lieu et en leur ordre, comme des hommes de Dieu qui, en confessant son nom, ont vaincu le monde. Mais le prêtre qui sacrifie ne les invoque point. C'est à Dieu qu'il sacrifie et non pas à eux, quoiqu'il sacrifie en mémoire d'eux, car il est prêtre de Dieu et non des martyrs. Et en quoi consiste le sacrifice lui-même? C'est le corps de Jésus-Christ, lequel n'est pas offert aux martyrs, parce qu'eux-mêmes sont aussi ce corps. À quel miracle croira-t-on de préférence, au miracle de ceux qui veulent passer pour Dieu, ou au miracle de ceux qui ne les font que pour établir la foi en la divinité de Jésus-Christ? À qui se fier? À ceux qui veulent faire consacrer leur crime ou à ceux qui ne souffrent pas même que l'on consacre leur louange, et qui veulent qu'on les rapporte à la gloire de celui en qui on les loue? C'est en Dieu, en effet, que leurs âmes sont glorifiées. Psaume 33:3. Croyons donc à la vérité de leur discours et à la puissance de leurs miracles, car c'est pour avoir dit la vérité qu'ils ont souffert la mort, et c'est la mort librement subie qui leur a valu le don des miracles. Et l'une des principales vérités qu'ils ont affirmées, c'est que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il a fait voir, en sa chair, l'immortalité de la résurrection qu'il nous a promise au commencement du nouveau siècle ou à la fin de celui-ci. Chapitre 11. Contre les platoniciens qui prétendent prouver, par le poids des éléments, qu'un corps terrestre ne peut demeurer dans le ciel. À cette grâce signalée de Dieu, qu'opposent ces raisonneurs dont Dieu sait que les pensées sont vaines, Psaume 93:11. Ils argumentent sur le poids des éléments. Platon, leur maître, leur a enseigné en effet que deux des grands éléments du monde, et les plus éloignés l'un de l'autre, le feu et la terre, sont joints et unis par deux éléments intermédiaires, c'est-à-dire par l'air et par l'eau. Platon, Timée, traduction française tome 11. Ainsi, disent-ils, puisque la terre est le premier corps en remontant la série, l'eau le second, l'air le troisième, et le ciel le quatrième, un corps terrestre ne peut pas être dans le ciel. Chaque élément, pour tenir sa place, est tenu en équilibre par son propre poids. Voyez Pline, Histoire naturelle, livre 2. Voilà les arguments dont la faiblesse présomptueuse des hommes se sert pour combattre la toute-puissance de Dieu. Que font donc tant de corps terrestres dans l'air, qui est le troisième élément au-dessus de la terre, à moins qu'on ne veuille dire que celui qui a donné aux corps terrestres des oiseaux la faculté de s'élever en l'air par la légèreté de leurs plumes ne pourra donner aux hommes, devenus immortels, la vertu de résider même au plus haut des cieux. À ce compte, les animaux terrestres qui ne peuvent voler, comme sont les hommes, devraient vivre sous la terre comme les poissons, qui sont des animaux aquatiques et vivent sous l'eau. Pourquoi un animal terrestre ne tire-t-il pas au moins sa vie du second élément, qui est l'eau, et ne peut-il y séjourner sans être suffoqué? Et pourquoi faut-il qu'il vive dans le troisième? Y a-t-il donc erreur ici dans l'ordre des éléments, ou plutôt n'est-ce pas leur raisonnement, et non la nature, qui est en défaut? Je ne reviendrai pas ici sur ce que j'ai déjà dit au troisième livre, chapitre 18, comme par exemple qu'il y a beaucoup de corps terrestres pesants, tels que le plomb, auquel l'art peut donner une certaine figure qui leur permet de nager sur l'eau. Et l'on refusera au souverain artisan le pouvoir de donner au corps humain une qualité qui l'élève et le retienne dans le ciel. Il y a plus, et ces philosophes ne peuvent pas même se servir, pour me combattre, de l'ordre prétendu des éléments. Car si la terre occupe par son poids la première région, s'il vient ensuite, puis l'air, puis le ciel, l'âme est au-dessus de tout cela. Aristote en fait un cinquième corps, et Platon nie qu'elle soit un corps. Note. C'est sans doute sur la foi de Cicéron que saint Augustin attribue à Aristote cette étrange doctrine. Nous trouvons en effet dans les Tusculanes un passage d'où il est naturel de conclure que l'âme n'était pour Aristote qu'un élément plus pur que les autres. Tusculanes livre 1, Chapitre 10. La vérité est qu'Aristote mettait en effet au-dessous des quatre éléments, reconnus par toute la physique ancienne, une cinquième substance dont les astres sont formés. Mais jamais ce grand esprit n'a fait de l'âme humaine une substance corporelle. Suivant sa définition si précise et toute sa doctrine si amplement développée dans le beau traité des Anima, l'âme est pour lui la forme ou l'énergie du corps, c'est-à-dire son essence et sa vie. Fin de la note. Or, si l'âme est un cinquième corps, assurément ce corps est au-dessus de tous les autres, et si elle n'est point un corps, elle les surpasse tous à un titre encore plus élevé. Que fait-elle donc dans un corps terrestre? Que fait la chose la plus subtile, la plus légère, la plus active de toutes, dans une masse si grossière, si pesante et si inerte? Une nature à ce point excellente ne pourra-t-elle pas élever son corps dans le ciel? Et si maintenant des corps terrestres ont la vertu de retenir les âmes en bas, les âmes ne pourront-elles pas un jour élever, en haut, des corps terrestres? Passons à ces miracles de leur Dieu qu'ils opposent à ceux de nos martyrs, et nous verrons qu'ils nous justifient. Certes, si jamais les dieux païens ont fait quelque chose d'extraordinaire, c'est ce que rapporte Varron d'une vestale qui, accusée d'avoir violé son vœu de chasteté, puisa de l'eau du Tibre dans un crible et la porta à ses juges, sans qu'il s'en répandît une seule goutte. Voyez livre, 10e, chapitre 16. Qui soutenait sur le crible le poids de l'eau, qui l'empêchait de fuir à travers tant d'ouvertures. Ils répondront que c'est quelque dieu ou quelque démon. Si c'est un dieu, en est-il un plus puissant que celui qui a créé le monde? Et si c'est un démon, est-il plus puissant qu'un ange soumis au Dieu créateur du monde? Si donc un Dieu inférieur, ange ou démon, a pu tenir suspendu un élément pesant et liquide, en sorte qu'on eût dit que l'eau avait changé de nature, le Dieu tout-puissant, qui a créé tous les éléments, ne pourra-t-il ôter à un corps terrestre sa pesanteur, pour qu'il habite, renaissant et vivifié? Où il plaira à l'esprit qui le vivifie. D'ailleurs, puisque ces philosophes veulent que l'air soit entre le feu et l'eau, au-dessous de l'un et au-dessus de l'autre, d'où vient que nous le trouvons souvent entre l'eau et l'eau, ou entre l'eau et la terre? Qu'est-ce que les nuées, selon eux, de l'eau, sans doute? Et cependant, ne trouve-t-on pas l'air entre elles et les mers? Par quel poids et quel ordre des éléments, des torrents d'eau, très impétueux et très abondants, sont-ils suspendus dans les nues, au-dessus de l'air, avant de courir au-dessous de l'air sur la terre? Et enfin, pourquoi l'air est-il entre le ciel et la terre dans toutes les parties du monde, si sa place est entre le ciel et l'eau, comme celle de l'eau est entre l'air et la terre? Bien plus. Si l'ordre des éléments veut, comme le dit Platon, que les deux extrêmes, c'est-à-dire le feu et la terre, soient unis par les deux autres qui sont au milieu, c'est-à-dire l'eau et le feu, et que le feu occupe le plus haut du ciel, et la terre la plus basse partie du monde comme une sorte de fondement, de telle sorte que la terre ne puisse être dans le ciel, pourquoi le feu est-il sur la terre? Car enfin, dans leur système, ces deux éléments, la terre et le feu, le plus bas et le plus haut, doivent se tenir si bien, chacun à sa place, que ni celui qui doit être en bas ne puisse monter en haut, ni celui qui est en haut descendre en bas. Ainsi, puisqu'à leur avis il ne peut y avoir la moindre parcelle de feu dans le ciel, nous ne devrions pas voir non plus la moindre parcelle de feu sur la terre. Cependant le feu est si réellement sur la terre, et même sous la terre, que les sommets des montagnes le vomissent, outre qu'il sert sur la terre aux différents usages des hommes, et qu'il naît même dans la terre, puisque nous le voyons jaillir du bois et du caillou, qui sont sans doute des corps terrestres. Mais le feu d'en haut, disent-ils, est un feu tranquille, pur, inoffensif et éternel, tandis que celui-ci est violent, chargé de vapeur, corruptible et corrompant. Voyez Plotin, Énéade, 2, livre 1, chapitre 7 et 8, livre 2, chapitre 11. Il ne corrompt pourtant pas les montagnes et les cavernes, où il brûle continuellement. Mais je veux qu'il soit différent de l'autre, afin de pouvoir servir à nos besoins. Pourquoi donc ne veulent-ils pas que la nature des corps terrestres, devenue un jour incorruptible, puisse un jour se mettre en harmonie avec celle du ciel, comme aujourd'hui le feu corruptible s'unit avec la terre? Il ne saurait donc tirer aucun avantage ni du poids, ni de l'ordre des éléments, pour montrer qu'il est impossible au Dieu Tout-Puissant de modifier nos corps de telle sorte qu'ils puissent demeurer dans le ciel. Chapitre 12. Contre les calomnies et les railleries des infidèles au sujet de la résurrection des corps. Mais nos adversaires nous pressent de questions minutieuses et ironiques sur la résurrection de la chair, ils nous demandent si les créatures avortées ressusciteront, et comme notre Seigneur a dit, « En vérité, je vous le déclare, le moindre cheveu de votre tête ne périra pas. » Luc 21, 18. Il nous demande encore si la taille et la force seront égales en tous, ou si les corps seront de différentes grandeurs. Dans le premier cas, d'où les êtres avortés, supposés qu'ils ressuscitent, prendront-ils ce qui leur manquait en naissant? Et si l'on dit qu'ils ne ressusciteront pas, n'étant pas véritablement nés, la même difficulté s'élève touchant les petits enfants venus à terme, mais morts au berceau. En effet, nous ne pouvons pas dire que ceux qui n'ont pas été seulement engendrés, mais régénérés par le baptême, ne ressusciteront pas. De plus, il demande de quelle stature seront les corps dans cette égalité de tous, s'ils ont tous la longueur et la largeur de ceux qui ont été ici les plus grands, ou plusieurs prendront-ils ce qui leur manquait sur terre pour atteindre à cette hauteur? Autre question, si, comme dit l'apôtre, nous devons parvenir à la plénitude de l'âge de Jésus-Christ, Éphésiens 4, 13, si, selon le même apôtre, Dieu nous a prédestinés pour être rendus conformes à l'image de son Fils, Romains 8, 29, si, en d'autres termes, le corps de Jésus-Christ doit être la mesure de tous ceux qui seront dans son royaume, il faudra, disent-ils, retrancher de la stature de plusieurs hommes. Et alors comment s'accomplira cette parole? Que le moindre cheveu de votre tête ne périra pas? Et au sujet des cheveux même, ne demande-t-il pas encore si nous aurons tous ceux que le barbier nous a retranchés? Mais dans ce cas, de quelle horrible difformité ne serions-nous pas menacés? Car ce qui arrive aux cheveux ne manquerait pas d'arriver aux ongles. Où serait donc alors la bienséance? Qui doit avoir ses droits en cet état bienheureux plus encore que dans cette misérable vie? Dirons-nous que tout cela ne reviendra pas au ressuscité? Tout cela périra donc? Et alors, pourquoi prétendre qu'aucun des cheveux de notre tête ne périra? Même difficulté sur la maigreur et l'embonpoint, car si tous les ressuscités sont égaux, les uns ne seront plus maigres, et les autres ne seront plus gras. Il y aura à retrancher aux uns, à ajouter aux autres. Les uns gagneront ce qu'ils n'avaient pas, les autres perdront ce qu'ils avaient. On ne soulève pas moins d'objections au sujet de la corruption et de la dissolution des corps morts, dont une partie s'évanouit en poussière et une autre s'évapore dans l'air. De plus, les uns sont mangés par les bêtes, les autres consumés par le feu. D'autres tombaient dans l'eau par suite d'un naufrage ou autrement, se corrompaient, se liquéfient. Comment croire que tout cela puisse se réunir pour reconstituer un corps? Ils se prévalent encore des défauts qui viennent de naissance ou d'accident. Ils allèguent les enfantements monstrueux, et demandent d'un air de dérision si les corps contrefaits ressusciteront dans leur même difformité. Répondons-nous que la résurrection fera disparaître tous ces défauts? Ils croient nous convaincre de contradiction par les cicatrices du Sauveur que nous croyons ressusciter avec lui. Mais voici la question vont la plus difficile. À qui doit revenir la chair d'un homme, quand un autre homme affamé en aura fait sa nourriture? Cette chair s'est assimilée à la substance de celui qui l'a dévorée et a rempli les vides qu'avait creusé chez lui la maigreur. On demande donc si elle retournera au premier homme qui la possédait, ou à celui qui s'en est nourri. C'est ainsi que nos adversaires prétendent livrer au ridicule la foi dans la résurrection, sauf à promettre à l'âme, avec Platon, une vicissitude éternelle de véritable misère et de fausse félicité, ou à soutenir avec Porphyre qu'après diverses révolutions à travers les corps, elle verra la fin de ses misères, non en prenant un corps immortel, mais en restant affranchie de toute espèce de corps. Note. Nous avons fait remarquer plus haut que Platon n'admet qu'avec réserve la doctrine pythagoricienne de la métempsychose, et que, dans le Phèdre, le Gorgia, le Timée, la République et le Phédon, il annonce expressément aux âmes juste une immortalité de bonheur au sein de la divinité. Chapitre 13. Si les enfants avortés, étant compris au nombre des morts, ne le seront pas au nombre des ressuscités. Je vais répondre, avec l'aide de Dieu, aux objections que j'ai mises dans la bouche de nos adversaires. Je n'oserais nier, ni assurer que les enfants avortés, qui ont vécu dans le sein de leur mère et y sont morts, doivent ressusciter. Cependant je ne vois pas pourquoi, étant du nombre des morts, ils seraient exclus de la résurrection. En effet, ou bien tous les morts ne ressusciteront pas, et il y aura des âmes qui demeureront éternellement sans corps, comme celles qui n'en ont eu que dans le sein maternel. Ou bien, si toutes les âmes humaines reprennent les corps qu'elles ont eus, en quelque lieu qu'elles les aient laissés, je ne vois pas de raison pour exclure de la résurrection les enfants même qui sont morts dans le sein de leur mère. Mais à quelque sentiment qu'on s'arrête, tout au moins faut-il leur appliquer, s'ils ressuscitent, ce que nous allons dire des enfants déjà nés. Chapitre 14. Si les enfants ressusciteront avec le même corps qu'ils avaient à l'âge où ils sont morts. Que dirons-nous donc des enfants, sinon qu'ils ne ressusciteront pas dans l'état de petitesse où ils étaient en mourant? Ils recevront, en un instant, par la toute-puissance de Dieu, l'accroissement auquel ils devaient parvenir avec le temps. Quand notre Seigneur a dit, « Pas un cheveu de votre tête ne périra », Luc 21, 18, il a entendu que nous ne perdrons rien de ce que nous avions, mais non pas que nous ne gagnerons rien de ce qui nous manquait. Or, ce qui manque à un enfant qui meurt, c'est le développement complet de son corps. Il a beau être parfait comme enfant, la perfection de la grandeur corporelle lui manque, et il ne l'atteindra que parvenu au terme de sa croissance. On peut dire en un sens que, dès qu'il est conçu, il possède tout ce qu'il doit acquérir. Il le possède idéalement et en puissance, mais non en fait. De même que toutes les parties du corps humain sont contenues dans la semence, quoique plusieurs manquent aux enfants déjà nés, les dents, par exemple, et autres parties analogues. C'est dans cette raison séminale de la matière qu'est renfermé tout ce qu'on ne voit pas encore, Tout ce qui doit paraître un jour, c'est en elle que l'enfant, qui sera un jour petit ou grand, est déjà grand ou petit. C'est par elle enfin qu'à la résurrection des corps, nous ne perdrons rien de ce que nous avions ici-bas. Et dussent les hommes ressuscités tous égaux et avec une taille de géant, ceux qui l'ont eu n'en perdront rien, puisque Jésus-Christ a dit, « Aucun cheveu de votre tête ne périra. » Et, quant aux autres, l'admirable ouvrier qui a tiré toute chose du néant ne sera pas en peine de suppléer à ce qui leur manque. Note. Voir saint Augustin, Traité de la foi, de l'espérance et de la charité numéro 23. Extrait. La bonté de Dieu est le principe de tous les biens. Le mal vient de la révolte de la volonté chez les êtres d'une perfection bornée. De plus longues explications dépasseraient les limites de cet ouvrage. Examinons donc maintenant quelles sont les causes du bien et du mal, autant que nous devons les connaître pour marcher sûrement dans la voie qui mène à ce royaume où la mort ne sera plus associée à la vie, l'erreur à la vérité, l'inquiétude au bonheur. Sur ce point, nous devons croire, sans le plus léger doute, que la bonté de Dieu est le principe de tous les biens qui sont le privilège de notre nature, tandis que les maux ont pour cause la révolte qui sépare du bien immuable la volonté des êtres où le bien est sujet au changement, en d'autres termes, de l'ange et de l'homme. Voir également, de la Genèse au sens littéral, livre 3, 23. Chapitre 15. Si la taille de Jésus-Christ sera le modèle de la taille de tous les hommes, lors de la résurrection. Il est certain que Jésus-Christ est ressuscité avec la même stature qu'il avait à sa mort, et ce serait se tromper que de croire qu'au jour de la résurrection générale, il prendra, pour égaler les plus hautes statures, une grandeur charnelle qu'il n'avait pas, quand il apparut à ses disciples sous la forme qui leur était connue. Maintenant, dirons-nous que les plus grands doivent être réduits à la mesure du Sauveur, mais alors ils seraient beaucoup retranchés du corps de plusieurs, ce qui va contre cette parole divine. Pas un cheveu de votre tête ne périra. Reste donc à dire que chacun prendra la taille qu'il avait dans sa jeunesse, bien qu'il soit mort vieux, ou celle qu'il aurait dû prendre un jour, si la mort ne l'eût prévenu. Quant à cette mesure de l'âge parfait de Jésus-Christ, dont parle l'apôtre, Éphésiens 4, 13, ou bien il ne faut pas l'entendre à la lettre et dire que la mesure parfaite de ce chef mystique trouvera son accomplissement dans la perfection de ses membres, ou, si nous l'entendons de la résurrection des corps, il faut croire que les corps ne ressusciteront ni au-dessus, ni au-dessous de la jeunesse, mais dans l'âge et dans la force où nous savons que Jésus-Christ était arrivé. Les plus savants même d'entre les païens ont fixé la plénitude de la jeunesse à l'âge de 30 ans environ, après lequel l'homme commence à être sur le retour et incline vers la vieillesse. Aussi l'apôtre n'a-t-il pas dit, à la mesure du corps ou de la stature, mais à la mesure de l'âge parfait de Jésus-Christ. Chapitre 16. Comment il faut entendre que les saints seront rendus conformes à l'image du Fils de Dieu. Et quand l'apôtre parle de ces prédestinés qui seront rendus conformes à l'image du Fils de Dieu, Romains 8, 29, on peut fort bien entendre qu'il s'agit de l'homme intérieur. C'est ainsi qu'il est dit dans un autre endroit. Ne vous conformez point au siècle, mais réformez-vous par un renouvellement de votre esprit. Romains 12, 2. C'est par la même partie de notre être que nous devons réformer pour n'être pas conformes au siècle, que nous deviendrons conformes au Fils de Dieu. On peut encore entendre cette parole dans ce sens que, Dieu lui-même s'étant rendu conforme à nous, quand il a pris la condition mortelle, de même nous lui serons conformes par l'immortalité, ce qui a rapport aussi à la résurrection des corps. Si l'on veut expliquer ces paroles par la forme sous laquelle les corps ressusciteront, cette conformité, aussi bien que la mesure dont parle l'apôtre, ne regardera que l'âge, et non pas la taille. Chacun donc ressuscitera aussi grand qu'il était ou qu'il aurait été dans sa jeunesse, et quant à la forme, il importera peu que ce soit celle d'un vieillard ou d'un enfant, puisque ni l'esprit ni le corps ne seront plus sujets à aucune faiblesse. Si donc on s'avisait de soutenir que chacun ressuscitera dans la même conformation des membres qu'il avait à sa mort, il n'y aurait pas lieu à s'engager contre lui dans une laborieuse discussion. Markemdanarchive.org 2019, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.